Salut, la mouche. Ah, salut Roger. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train d'essayer de faire le gros casse-tête de l'éléphant. Ah oui? Je l'ai fait souvent ce casse-tête. Laisse-moi faire. Je vais te montrer comment. Non, non, je suis capable tout seul. Ça va aller plus vite. Si je te dis où vont les morceaux. Non, je t'ai dit que je suis capable de le faire tout seul. Ah bon? D'accord. Mais quand tu vas l'avoir terminé, est-ce qu'on va pouvoir le refaire ensemble, toi et moi? Ok, mais seulement quand je vais l'avoir fait tout seul avant. Moi, je cherche dans ma tête où vont les morceaux de mon casse-tête. Moi, je cherche avec mes petits doigts la petite place de celui-là. C'est difficile. Faut chercher, chercher et encore chercher. Mais je le sais qu'une bonne fois. Moi, je vais trouver où il va. Le morceau qui a l'air d'un nuage, déboucher un grand trou dans l'image. C'est l'oreille de mon éléphant sage.